On va parler avec Pascal Jobin de la NBA, les séries qui sont en cours. Match d'une extrême importance ce soir à Toronto. Pourquoi je dis ça? On va en parler avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, c'est un match extrêmement important ce soir, je m'explique. Parce que si les Raptors échappent, historiquement parlant, c'est à Cleveland, c'est très difficile de gagner pour les Raptors. Ils l'ont prouvé. C'est un match, je dirais pas sans lendemain, mais pas loin. Écoute, ce qui est décevant, c'est que t'as une saison spectaculaire, la meilleure dans l'histoire de la franchise, une équipe qui a une des meilleures attaques, une des meilleures défensives de la NBA pendant la saison régulière. Un des meilleurs bancs aussi. Un des meilleurs bancs. Et là, on arrive match numéro un où nous, du côté de Toronto, on est reposés. On sait qu'il y a eu, je pense, même pas deux jours entre le dernier match, le match numéro 7. Puis le match numéro 1, quand je dis match numéro 6, par rapport à Cleveland, LeBron James, dans la même conférence de presse, Danny a dit « Peux-tu finir ce cours? Là, je vais aller chez moi dormir, je suis fatigué. Mm. Je ne veux même pas parler de Raptors, je vais aller dormir, on en parlera demain. » Fait que, pas beaucoup de temps de préparation. Et là, on se retrouve dans un match où on n'a jamais, du côté des Cleveland, Danny, mené dans le match à part 105-105 pour la prolongation. Ouais. Et c'est comme si Toronto a tout fait pour perdre le match. Effectivement. Puis DeMar DeRozan a été assez ordinaire dans cette série, dans le premier match, en tout cas. DeMar DeRozan et Larry ont fait des matchs ordinaires. Mm. Très bonne équipe. On a eu des séquences où on n'était juste pas capable de la mettre dedans. Et à la fin, je pense qu'on a eu 4 ou 5 rebonds offensifs. Ce qu'on appelle les tip-ins. Là, juste on tape le ballon pour le mettre dans le panier. Puis c'était la victoire pour Toronto, là. Mm-hmm. Et finalement, on se trouve en prolongation. Et on perd 113 à 112. Et un match, LeBron a dit que c'était son pire match de la saison en passant d'année. Même s'il a connu un triple, comme on dit, là. Ouais. Il a quand même fini avec 26 points, je pense, 11 rebonds, 13 assists. Il a lancé à peine 40% du terrain. Il a 5 à 3 points. Donc, c'était pas son meilleur au niveau c'est quoi le mot que je cherche? D'efficacité à la. Mais, c'est puis j'ai aimé beaucoup. Il a vraiment laissé les pieds J.R. Smith, Jeff Green et Kyle Kuzma connu un match aussi très, très, très intéressant. Donc, ben, c'est vraiment ce soir-là, c'est un match important pour Toronto. On ne peut pas perdre aujourd'hui. Là. On ne peut pas perdre. Non, mais ce qui a aidé dans ce premier match-là, c'est que. Écoute, à RDS, on montrait ça, parce que moi, je l'écoute en français, là. La moyenne de LeBron James dans la première série, je pense que c'est 34 points, puis les autres, c'était 11 points. C'était Kevin Love qui était deuxième à 11 points, les autres. Écoute, c'est LeBron qui a transporté cette équipe-là. Puis, dans le premier match, ce qu'on a vu, c'est que les joueurs se sont levés, là, les autres joueurs, là, que c'était pas une équipe à LeBron, là, c'est ça la différence, là. Ah oui, comme je t'ai dit, J.R. Smith à 5 en 6 de la 3 points, je pense. Korver avec 17 points. Tristan Thompson, un autre match de 14 ou 15 points. Je pense que la rotation de l'entraîneur Tyronn Lue, le match numéro 7 à Indiana, on a mis sous le 5 partant Tristan Thompson, qui avait même pas joué la série avant. Et je pense que là, il faut aller avec l'expérience. C'est un joueur, je pense, qu'il est prêt à jouer. On a quand même fait jouer Larry Nance Jr. puis Jordan Clarkson puis Rodney Hood, mais un petit peu beaucoup leur rôle est moins important en ce moment. Il faut pas oublier George Hill était blessé la première série contre Indiana, il était pas à 100% et George Hill a quand même bien joué, mais Kevin Love qui est la deuxième superstar de l'équipe n'a pas vraiment connu un ex non plus là. Je pense que Love et LeBron ils ont lancé en bas de 40% là, pendant ce match-là. Donc, tu gagnes. Pour Cleveland, tu te dis, écoute, on a un match ordinaire de nos deux vedettes, on a gagné le match. Ouais. Fait que c'est vraiment spectaculaire. Donc, ça passe ou ça cause, j'ai l'impression, ce soir, pas passer puis casser, mais mettons que si les Raptors échappent le match de ce soir, on donnera pas cher de leur peau. Donc, ça va être à 18h. 18h, c'est très tôt. Très tôt en passant, puisqu'on veut faire un programme double et on s'en va avec l'autre match, Philadelphie-Boston. Moi, j'avais favorisé les 76ers. Écoute, les Celtics qui ont passé les Bucks de Milwaukee, on pensait que toutes les Bucks allaient gagner facilement. Mais là, écoute, les Celtics, il y a des joueurs qui se sont levés. Donc, dans cette série-là également, est-ce que tu penses que la jeunesse des 76ers va le jouer des tours? Ben, moi, je suis un petit peu surpris de la performance des Celtics. Pas parce que je pense que c'est la meilleure équipe de l'Est avec Kyrie Irving, avec Jaylen Brown. Et tu sais, on n'a pas connu Gordon Hayward de la saison, fait qu'on va pas mettre dans l'équation. Et là, tu perds Kyrie Irving, on sait qu'il ne sera pas là du tout. Tu bats les Milwaukee Bucks. Dans cette série-là, on perd Jaylen Brown, qui est probablement la vedette de l'équipe. Après Kyrie Irving. Et là, tu te retrouves avec Terry Rozier qui connaît une saison. Son agent, là, il est super content en passant à Danny parce que ce gars-là, là, est après démontrer qu'il peut mener une équipe, qu'il peut gagner une série comme étant le gros joueur de l'équipe. Là. Après les Bucks de Milwaukee, là, on se retrouve contre Philadelphie. Et écoute, son premier match était spectaculaire. Non, c'est vraiment là, toute une surprise pour moi de Boston. Et puis, c'est, comme tu as dit, comme pour Toronto, Philadelphie doit gagner Ouais. aujourd'hui. Écoute, c'est le deuxième match. Ben, c'est quoi? C'est à Boston, par contre. Ça, Ben, c'est ça. c'est ça la Mon point différence, là. dans ça, ouais, quand je dis ils doivent gagner, c'est que je veux dire par là, c'est que les gens s'attendaient à voir Philadelphie gagner, mettons, je sais pas, en cinq matchs, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu gagnes pas aujourd'hui, tu te retournes chez toi, là, tu as de la pression. Faut que tu gardes ton avantage de terrain, mais l'avantage de terrain appartient à Boston. Oh ouais, Donc, c'est sûr. tu dois voler un match à Boston de la Ouais. façon que Cleveland a volé un match à Toronto. Ouais. Houston, Utah. C'est 1-1 dans cette série-là. Victoire du Wow. Jazz. On dirait que Surprise. c'est une série qui allait être très rapide, que ça allait courir beaucoup. Sais, Danny, pour moi, on parle souvent des vedettes, des superstars. Je regarde Boston. Brad Stevens comme entraîneur, les ajustements qu'il a faits défensivement, offensivement, la confiance qu'il donne à certains joueurs qui avaient des rôles très, très minimes pendant la saison, c'est spectaculaire. Et là, on retourne avec Utah, avec Snyder. Écoute, ils sont menés par Donovan Mitchell, qui est une recrue. Une recrue. On bat les Rockets à Houston et leur meneur vedette, Ricky Rubio, n'est pas, il est blessé. OK? On se retrouve avec un gars sur le 5 partant qui a presque pas joué de la saison. O'Neal, écoute, pour moi, là, je trouve ça spectaculaire. Et de gagner un match à Houston, avec la saison que Houston a connue, c'est comme Cleveland gagner à Toronto. Je suis vraiment, vraiment surpris de Utah. Puis en passant, si tu regardes cette équipe-là jouer, wow, c'est spectaculaire, là. Les athlètes, ils poussent le ballon, ils courent. Écoute, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Avec un des meilleurs défenseurs de la NBA qui est Rudy Gobert à l'intérieur. Mais je suis honnêtement surpris. Je suis plus surpris de la victoire de Utah à Houston, Danny, que Cleveland gagne le premier match à Ben moi, Toronto. Parce que j'ai... Toronto, ils ont peur de Cleveland et de LeBron. Ils doivent passer à travers, puis on dirait qu'ils sont nerveux, on dirait qu'ils ont peur. Mais que Utah bat Houston à Houston, j'en reviens pas. Ben, écoute, moi, je suis pas surpris, j'ai mis Kevin Houston. Tu paries pas contre LeBron James. Tu paries pas contre LeBron James. L'autre série, ça va être assez facile. Golden State, hein, Steph Curry revient aussi. Ça va, moi, Ben, j'ai mis en 5. J'ai mis en 5, ouais, moi. 28 points. OK, 28 points à son premier match de retour, le deuxième match. C'est une machine, les Warriors. Ils attendaient juste les séries. On parle même pas de Kevin Durant en ce moment. On parle presque pas de Klay Thompson. On parle de Draymond Green, retour de Steph Curry. C'est une machine. Je vois pas qui peut battre cette équipe-là. Honnêtement, que ce soit Philadelphie, Toronto, Cleveland en finale, je vois pas Utah ou Houston capable de battre cette équipe-là. Est-ce qu'ils peuvent perdre un match à Nouvelle-Orléans? Peut-être. Mais je serais surpris qu'ils en perdent deux. Non. Moi, j'ai mis Golden State en 5 dans ce match-là, donc Ouais. fait que dans cette série-là. Pascal, ça a fait pas mal de tours pour cette semaine. On se repart la semaine prochaine. J'aimerais ça que la semaine prochaine qu'on fasse le tour des entraîneurs parce que hier, il y a une annonce Ben, importante. ouais, la semaine prochaine, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'organisations là qui sont en train de faire des entrevues Ben, d'entraîneurs. Donc, hier, on va en parler la ce semaine que je prochaine. voulais dire, c'est que les Suns de Phoenix ont passé l'histoire en ayant le premier entraîneur européen qui se joint avec les Suns. Donc, on va en reparler la semaine prochaine. Le Absolument. collaborateur de la NBA, Pascal Jobin.